Couleur locale. 30 minutes pour découvrir les artistes de votre région. Vous écoutez Couleur locale, vous êtes sur Fadjet à Nancy ou 94.2 sur Fadjet.net et en DAB+ pour votre demi-heure avec les artistes de la région, voire même parfois de la grande région. Coucou à vous qui nous écoutez de Reims à Strasbourg en passant par vos couleurs, c'est en Meuse. Voilà, vous le saurez, jusqu'à Metz et à Nancy, on y est bien, restez-y, les samedis 13h, les dimanches midi. Je rappelle à toutes fins utiles qu'il y a un podcast qui est disponible sur mon Spotify, Pierre Mercier, Radio Fadjet, tous les dimanches à 18h, à chaque fin d'émission, où vous pouvez retrouver déjà bientôt 7 ans de couleur locale. Donc ça en fait des artistes qu'on a pu rencontrer sur cette belle radio qui est Fadjet, qui a fêté ses 40 ans l'an dernier. On est sur la 41e année, on espère aller à 42, 43, 44, jusqu'à 80. À 80, je ne sais pas si je serai encore là, mais bon, on va essayer de vivre longtemps pour vous apporter le meilleur de la musique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Solal, au prénom solaire, parce qu'on commence à faire des blagues de merde et des jeux de mots alambiqués. Bonjour. Bonjour, voilà, c'était un beau bonjour. Ben oui, comme il faut. Comment tu vas ? Eh ben ça va très bien, je suis très content de, passer sur Fadjet. Ouais. Alors chers auditeurs, vous qui nous suivez sur Facebook, Fadjet-6, couleur locale, vous allez à ce moment-là vous dire, mais qui est Solal ? Eh bien, je suis l'un des deux membres du groupe Jean-Michel Moog et son bâtard, donc moi je suis le bâtard. Voilà, on ne t'insulte pas évidemment, c'est ton nom de scène. Non, non. Donc Jean-Michel Moog et son bâtard, et là bah, je suis seul. Puisque compère est sur Strasbourg. Et sur Strasbourg. Ne peut pas être là. C'est pour ça que j'ai dit la grande région, du coup. Parce qu'on va jusque là. C'est ça. Jean-Michel Moog et son bâtard. Alors, Jean-Michel, c'est Guillaume. Ouais. Non, Guillaume est passé à Jean-Michel. Ouais. Et bah, c'est ça, c'est le petit clin d'œil à une aspiration qui est Jean-Michel Jarre. Ah, d'accord. Et donc, voilà, pour le côté synthé. Ok. Et donc, Jean-Michel Moog. Et son bâtard. Et pourquoi bâtard ? Pour le jeu de mots avec batteur, puisque je fais de la batterie. Et donc, il y a eu, chers auditeurs, déjà de la réflexion. Eh oui, grande réflexion. Grande réflexion, grand jeu de mots. On aime bien l'humour. Jean-Michel Moog et son bâtard Moog, qui fait référence, et on en parlera juste après, parce que c'est une histoire quand même de fou, à une marque de clavier. C'est ça, ouais. C'est un des deux synthés qu'il utilise, sur scène. Donc c'est un tout jeune duo, finalement. Ouais. Toute proportion gardée. Si, c'est ça, t'as raison. Ça fait un an et demi qu'on est sur ce duo-là, qu'on l'a créé. Ok, donc Jean-Michel au clavier, toi à la batterie. C'est ça. Pour une ambiance électro-trans, psychédélique. Ouais, c'est ça, électro. Il y a une petite partie improvisée et après électro, un peu de drum and bass, un peu de jersey, un peu de. Voilà, et de choses un peu hybrides aussi. Dis-moi comment tu te présentes en quelques mots et je te dirai qui tu es. Je vais lire la présentation que j'ai reçue par email. Formé à Nancy, Jean-Michel Moog et son bâtard créent de la musique électronique live qui transpire, sature et tremble. Synthé modulaire et batterie organique, deux points. Une formule aussi simple qu'explosive pour des sets qui font danser les yeux fermés. C'est une belle présentation en quelques phrases et qui donne envie de vous voir en concert. On parlera un peu de ce côté merci scène. Pour cette belle lecture. C'est une belle. Voilà, j'essaye d'y mettre les formes. Alors, l'histoire qui est. Alors, j'allais dire, c'est sympa. C'est sympa dans l'idée d'avoir rebondi dessus, mais qui est moins sympa pour ce qui vous est arrivé. C'est l'histoire derrière cette EP qui est sortie le 16 janvier 2026, qui s'intitule Jean-Michel Pudmoog. Et cette histoire, bah, je vais te demander de me raconter. Ouais, et bah, je vais le faire. C'est, c'est que pourquoi on a nommé ce premier EP Jean-Michel Pudmoog ? Parce que ça naît d'un carjacking. Si je peux le dire comme ça. Ouais. Où en fait, donc on avait prévu une session d'enregistrement au studio BMM Records de copains sur Nancy. Et en fait, la veille de la session, on se fait voler les deux synthés. Donc qui était dans la voiture, c'est ça, donc le Moog et son Nord, son deuxième synthé. Ouais. Et donc là, bon bah, quand on s'en rend compte, il faut déjà accuser le coup. Ouais, c'est clair. Quand même, parce que c'est grande valeur juste d'affect sentimental. Au-delà de l'aspect financier. Voilà, évidemment. C'est ça. Qui fait partie du problème aussi, quand même. Mm-hmm. Et donc, on a passé la journée à faire appel à tous nos potes pour essayer de retrouver, dans le meilleur des cas, les mêmes synthés. Et donc au final, on a réussi au bout de plusieurs heures à ramasser quelques synthés comme ça à droite à gauche. Donc les copains copines ont été d'une grande aide. Et donc là, bah, il a fallu essayer de recréer les sonorités qui faisaient l'identité de ces morceaux-là avec des nouveaux synthés qu'on connaît pas. Donc pour Guillaume, pour Jean-Michel Moog, ça a été un bon petit exercice de bidouillage. Et donc au final, on a réussi quand même à enregistrer ces deux morceaux, mais donc seulement deux morceaux, puisque on pouvait pas faire toute la session comme prévu. Il y avait combien de morceaux prévus à la base ? Eh ben, 9, 10. Et vous avez retrouvé les synthés ? Alors, on les a pas retrouvés à proprement parler, mais il a réussi à se les reprocurer après. On a fait une petite cagnotte auprès de la famille, des copains et tout ça, donc il a eu un peu de sous et un peu d'assurance de voiture. Alors, tu disais qu'il y avait deux synthés, donc le Moog et l'orgue. Un Nord. Un Nord. Pareil, okay. De la marque, un Nord Stage. Ok. Alors pourquoi Jean-Michel Pune-Moog et pas Jean-Michel Parce que... Ça rendait moins bien. Ouais, et puis qui s'appelle Jean-Michel Moog. Donc du coup, là, ça faisait le côté oui, un c'est peu... c'est vrai, de base, Jean-Michel Moog, ouais. C'est ouais, pas... c'est ça. Donc un peu le jeu de mots Jean-Michel Pune-Moog. Et donc cette EP-là a été fait, les deux morceaux, en fait, sont faits sans Moog. Alors vous êtes... Alors effectivement, comme je l'ai dit, l'histoire, il y a pas de chance, c'est con, mais moi j'admire quand même le trait d'humour un peu de et pas le trait du Moog, le trait d'humour. Je sais que c'était un rire sincère. Ouais. Le trait d'humour de finalement d'avoir rebondi là-dessus en se disant d'humour et aussi de comment dire de volonté d'aller jusqu'au bout finalement de la chose et enfin franchement je trouve que c'est une histoire inspirante. Et bah ouais, merci. En fait, c'est vraiment ça qu'on s'est dit. Il y a eu le gros moment de bad, de bad Moog. et donc passer ce temps-là, en fait, on s'est dit bah on va pas juste rien faire et être dégoûté dans notre coin. Donc on a trouvé la solution. On s'est rabattu sur ça qui était le mieux pour nous, de choisir seulement deux morceaux et de se focus bien dessus. Deux morceaux qu'on va écouter, chers auditeurs, puisque la musique, c'est le cœur de cette émission. Avant d'écouter le premier morceau, les liens, les infos. Donc l'EP est disponible sur DistroKid, donc l'agrégateur. C'est ça, sur toutes les plateformes. Toutes les plateformes, donc, du coup, voilà. Via le lien DistroKid, vous avez Spotify, Deezer, un peu de musique, tout ça. Il y a un site internet, jmmesb.webflow.io, Instagram, Facebook, YouTube, et des numéros de téléphone qu'on pourra donner pour parler un peu du booking et des concerts, voilà, pour vous contacter. Je vous invite à aller suivre tout ça sur Fadjet. Dans Couleur Locale, nous sommes avec le bâtard solal de Jean-Michel Moog et son bâtard. Et on va écouter un premier morceau qui a un nom qui m'a fait beaucoup rire quand j'ai reçu les musiques. C'est Dolce & Banana. Donc, le jeu de mots avec Dolce & Gabbana, la marque de... Ouais, il y a le jeu de mots avec la marque. Et c'était aussi parce qu'on voulait, pour le nom de ce morceau qui est de la drum and bass, avoir le DNB. Et donc en fait on a une note complète d'idées avec D et NB et on s'est arrêté sur celle-ci. Drum and bass, ça ramène à loin hein, ça, les années 2009-2010, drum and bass, dubstep, tous ces trucs qui revenaient un peu. Là même, ouais c'est ça, puis là c'est même plutôt drum and bass côté jungle limite, donc même encore plus ancien quoi. Ok, et bien écoutez chers auditeurs, si vous êtes au volant de votre voiture, enjaillez-vous mais... Enjaillez pas, enfin vous pas trop fort, puisqu'il faut quand même arriver à bon port. On écoute Dolce, alors tiens, c'est dur à dire, Dolce & Banana de Jean-Michel Moog et son bâtard, issu de l'EP Jean-Michel Pude-Moog, pas de bol, mais ils ont quand même fait un truc vachement sympa. On rappelle que l'EP est sorti le 16 janvier 2026. On s'écoute ça ? Allez, c'est parti. Dolcine Banana de Jean-Michel, Jean-Michel Mouguet, son bâtard, issu de l'EP Jean-Michel Pudemoug, le pauvre, eh oui. Sorti le 16 janvier 2026 sur toutes les plateformes. On est avec le bâtard, Solal qui est à la batterie, on a bien entendu. Alors, effectivement, esthétiquement, c'est vachement intéressant. La batterie acoustique avec l'ambiance électro, drum and bass, c'est vraiment votre esthétique, quoi. Ouais. Bah ouais, c'est ça qui fait partie un peu du... Ouais, c'est ça, du partie intégrante de ce duo-là. C'est pas du son, c'est pas de la batterie MIDI non. Voilà, sur pad. Et, voilà, et justement, c'est marrant que tu évoques ça, parce que en fait, à la base, c'est Guillaume qui en fait s'était acheté ces synthés-là. Il commençait à trouver des trucs dessus, il trouve des boucles et tout ça. Et il avait à l'époque sa petite drum machine, ouais, justement. Et donc en fait, le duo techniquement, il naît de ce moment où lui, il a préparé un set avec drum machine pour une soirée pour des potes. Et en fait, il a des bons retours. Les gens lui disent que c'est plutôt cool et tout ça. Et donc ils veulent l'inviter sur une soirée pour le jouer en live. En mode soirée concert. Et donc là en fait il se dit bah ok, je vais appeler mon pote batteur et on va essayer de faire un truc à deux pour le côté scène et vivant des instruments. Mais du coup ouais, c'est vrai que ça apporte un cachet authentique, c'est assez intéressant quoi. C'est, je crois que j'ai pas beaucoup entendu ça dans le drum and bass quoi. Enfin, ouais, c'est tout en très c'est 100% électro, quoi, alors que dans drum and bass, il y a drum, quoi. Donc, ouais. On pourrait se poser beaucoup de questions. C'est une musique que t'écoutes, toi Ouais, que j'écoute un petit peu. Au final, c'est pas non plus ma culture depuis des années et tout ouais. ça. Par contre, à jouer, c'est toujours un gros kiff, quoi, d'essayer de... Aussi d'essayer de coller, justement, aux sonorités plus électroniques ouais. Et à tous ces breaks-là. Moi, quand j'écoute ce genre de musique, je peux pas empêcher de vous imaginer à un festival, tu sais, en plein air avec une grande scène. On va dire un mois de. Là, je vais te mettre une image dans Vas-y. La tête, tu vois. Tu sais, genre un mois d'août, genre fin août, après le 15 août, où les journées sont encore longues mais commencent à se raccourcir. Tu vois, cette petite fraîcheur qui arrive, on est un petit 19h30, 20h, juste avant la grosse tête d'affiche, et là, vous arrivez. Vous commencez à jouer et t'as cette ambiance-là qui arrive, et tandis que la lune se montre et tu vois que la nuit commence à tomber. Tu vois, genre, et en plus avec des belles lumières sur scène. Ouais. Tu vois l'idée ? Ouais, ouais, moi, je vois ça là, tu vois, ce ouais, carrément. Côté psychédélique. Carrément. Même encore plus tard. Hein. Même encore plus tard, effectivement, pourquoi pas Quand les gens sont. Quand voilà, quand c'est fin de soirée. Débridée et que ça y est, ça peut danser les yeux fermés. Genre au Defcon ou. Ouais. Après des grands festivals Tomorrowland. Ah bah ouais, alors. Sur les scènes, peut-être un jour. Peut-être un jour. Et donc Jean-Michel, Guillaume dit Jean-Michel, c'est son environnement de base à lui aussi. Et bah pareil, en fait, on fait de la musique ensemble depuis 10-15 ans. Ouais. Sur Nancy, à travers différents groupes de jeunes et tout ça. Et ensuite, on a évolué. Et donc pareil, lui il a sa formation classique de pianiste, ensuite il est allé vers le jazz, en fait comme moi, et petit à petit l'évolution vers ce duo là. Petit à petit l'oiseau fait son... Eh oui, il fait son nid, évidemment, bien sûr. Jean-Michel Mouguet et son bâtard, on est avec le bâtard, voilà. On précise qu'on n'insulte personne dans cette émission, non. Mais c'est son blaze. On rappelle que l'EP Jean-Michel Pudemoug est sorti le 16 janvier 2026 sur toutes les plateformes. Vous êtes également sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. J'ai pas eu le temps d'aller voir, sur YouTube, il y a des live sessions, des clips. Il y a quelques... Alors si je me trompe pas, il y a deux vidéos live d'un concert qu'on a fait au studio BMM Records, ouais. Là où on a enregistré cette EP aussi. Ok. Et puis il y a un montage aussi de pas mal d'extraits d'un concert, du premier concert qu'on a fait en fait à la MIC Lillebonne. Ouais. Et puis je crois que c'est tout pour l'instant. Ok. Donc ouais. On invite quand même les auditeurs à liker la page YouTube. Ouais. Enfin, liker, à s'abonner, c'est ça. À mettre un pouce, enfin tout ça quoi. La cloche pour rester informé des dernières vidéos. Évidemment, Facebook, Fadjet-6, couleur locale, pour suivre toutes les émissions, une demi-heure avec les artistes de la région. C'est samedi à 13h et les dimanches à midi. De musicien à musicien, moi, il y a une question que j'aime bien poser, et notamment pour les power duos, parce que moi j'adore les power couple, c'est comme ça qu'on dit en anglais. C'est tout ce qui est processus de composition. Qui arrive en premier? Est-ce que c'est le synthé? Est-ce que c'est la batterie? Comment vous avez construit un peu tout ça? Eh bah, ben, ça dépend des morceaux. Pour quelques morceaux, justement, comme je disais avant, c'est lui qui les a, qui les a composés, en fait, tout seul à la base. Mais du coup, avec seulement, entre guillemets, les rythmes de sa drum machine. Et donc, quand on a décidé de faire ça à deux, on a passé du temps où lui, tac, il me montrait ses boucles, deux Moog qui, globalement, fait plutôt les basses qui tournent. Et puis, lui, il rajoute toutes les nappes, toutes les couleurs, et le rythme et tout ça avec son deuxième synthé. Et donc, du coup, en écoutant tout ça, après, moi, je me crée mes parties de batterie qui sont quand même assez... différentes selon les morceaux, et puis à l'intérieur de chaque morceau il y a aussi des parties différentes et tout ça, donc c'est aussi un kiff de pouvoir explorer quel groove va pouvoir bien coller avec quel morceau, quel type de boucle et tout ça. Donc par rapport finalement à ce qu'il avait programmé avec sa drum machine, t'as pu avoir une liberté d'interprétation, t'as pas recopié stricto sensu, parce que pas de sens, quoi. Enfin, bah non, et puis surtout, lui en plus, il utilisait la drum machine de façon assez simple, parce que en soi, tu peux faire plein de choses, mais lui, il le faisait plutôt basique, juste pour qu'il y ait un groove qui tourne avec ses boucles. Et donc après, on a passé du temps à trouver les différentes parties, comment embriquer tout ça. Pendant qu'on écoutait la musique, tu me disais en antenne que tu faisais du cursus jazz à la batterie. Ouais. En quoi c'est... En quoi est-ce que ça peut aider ça peut aider pour ce genre de projet qui n'a rien à voir avec le jazz, quoi. Ouais, bonne question. Techniquement parlant, peut-être que ça t'apporte une technique. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah ouais, techniquement, du coup, je pense que c'est aussi ça qui peut faire un autre point d'intérêt à ce duo-là, c'est d'avoir le côté électronique de ces types de musique-là, mais d'avoir un jeu donc qui s'en rapproche. Mais qu'il y a aussi toutes ces petites inflexions, justement, qui peuvent venir de mon cursus jazz, avec des petits côtés techniques, mais sans dire technique pour technique, juste d'amener des petites couleurs, des petits trucs en plus. Je pense que c'est ça le lien que je peux... Ok. Alors, l'histoire, en résumé, si vous nous rejoignez maintenant, pour cette EP Jean-Michel Pudemouk, c'est que, malheureusement, les synthés ont été volés juste avant l'enregistrement prévu, donc ils ont dû finalement réarranger, faire des choix, et c'est devenu Jean-Michel Pudemouk pour la blague, enfin la blague pas drôle, enfin pour la référence. Alors moi, la question que je me pose, c'est les autres morceaux, est-ce qu'ils sont prévus d'être enregistrés à un autre moment? Qu'est-ce qui va se passer? C'est là, il faut qu'on se... Justement, on attendait que ce premier EP sorte, et là, évidemment, on va se planifier une session d'enregistrement pour faire ce qu'on avait prévu déjà il y a quelques mois. Et enregistrer tout notre set, parce qu'on a un set d'une heure, et donc on a de quoi faire un album, quoi. Ah ouais, carrément. Et on parlera un peu concert pour clôturer l'émission. En attendant, je te propose, et je propose aux éditeurs, d'écouter le deuxième morceau de l'EP. Vous êtes quand même... Vous êtes quand même chanceux, hein, sur Fadjet dans Couleur Locale. On vous diffuse un EP en entier. Il y a les deux morceaux, c'est facile, quoi, je vais pas faire genre. Ce morceau s'appelle, alors j'espère qu'il y a une histoire rigolote derrière aussi, où il s'appelle Geyser Karcher. Ouais, et pour la petite anecdote, pareil, on s'est un peu creusé la tête pour donner un nom à ce morceau-là. Et donc, l'anecdote, c'est Geyser, parce que, en fait, c'est le verlan de Jersey qui est le style de musique de ce morceau-là, on va dire. Et Karcher, parce que c'est pareil pour la petite blague, en verlan à peu près, avec Kerchak, qui est un rappeur français qui fait beaucoup de jersey, justement. Ok. Et donc... C'est des inside references. Ouais, c'est ça. Donc celles qui l'ont capté, c'est technique, technique. N'hésitez pas à réagir, en tout cas, si vous avez la ref, sur le Facebook de Couleur Locale, et puis évidemment, sur votre Facebook, qui n'est pas une page, d'ailleurs, c'est un compte, donc il faut vous ajouter en ami. Voilà, effectivement. Petite subtilité. Qu'il faudrait que je change. Après, Facebook, c'est SO 2010 maintenant. Voilà, c'est vrai que c'est mieux de nous suivre sur Instagram. Ouais. Ok. Eh bien, on va s'écouter ça et on se retrouve juste après pour la suite. Et la fin de l'interview, c'est Geyser Karcher de Jean-Michel Moog et son bâtard issu de l'EP Jean-Michel Pudmoog qui est sorti le 16 janvier. J'y tiens à mon 19, hein. Le 16 janvier 2026. Excusez-moi, chers auditeurs, si vous avez eu les oreilles qui ont saigné d'un coup, j'ai été un peu. J'ai eu la main lourde sur le potard. C'était Geyser Karcher de Jean-Michel Moog et son bâtard, issu de l'EP Jean-Michel Pudmoog, sorti le 16 janvier 2026 sur toutes les plateformes Deezer, Spotify, Apple Music, Amazon, Tinder. Non, c'est pas une plateforme d'écoute. Non. Alors, nous sommes avec le bâtard, donc nom de scène de Solal, qui s'appelle comme ça parce que c'est un batteur. Voilà. Oui, c'est ça. Ça a été pensé très très très très loin. Couleur locale, les samedis 13h dimanche à midi, une demi-heure avec les artistes de la région. Vous connaissez, si vous avez raté le début de l'émission, vu qu'on arrive à la fin, pas de panique, vous nous retrouvez sur Spotify, Pierre Merciol, Radio Fadjet, et oui, c'est moi, les podcasts des 7 dernières années, et également sur Fadjet.net pendant une semaine avant qu'ils soient écrasés par l'émission d'après. Ça enchaîne, la musique, surtout la scène locale, elle vibre, il y a vraiment plein de choses à faire et de concerts à voir, et nous on aimerait bien voir Jean-Michel Moog et son bâtard en concert. Est-ce qu'on peut déjà annoncer, je crois, une petite date du côté de Strasbourg? C'est ça, là, ouais, on en a une qui est prévue le 19 mars au Plastic Motel à Strasbourg. Plastic Motel. Ouais, okay. une nouvelle salle là qui s'est créée il n'y a pas si longtemps. D'accord. Si je ne dis pas de bêtises. Plastic Motel. Ok, donc très on bien. On est bien content de jouer là-bas. Et après, bah, là, on est en démarchage là, auprès de pas mal de lieux pour avoir des dates pour la période estivale. Okay. Donc c'est en cours. Et donc on espère quand même vous voir. Hein. Bah oui. Quand même, nous on a bien envie ça de jouer. Serait sympa. De toute façon le projet là il est fait pour. C'est du pour live. Être, hein. Pour être joué en live, ouais c'est ça le c'est ça l'intérêt. C'est du live. Ce qui nous fait kiffer. Eh bien écoute, en tout cas on va passer un petit message hein, sur les ondes de Fadjet. Si vous êtes un comité des fêtes, une collectivité, un foyer rural, une association non événementielle, un SMAC, par exemple comme l'autre canal ou la boîte à musique ou tous ces gens-là, vous organisez une soirée privée, avez envie d'un peu d'électro sympa, une esthétique, on y va. Est-ce qu'on peut donner des petits numéros pour vous contacter? Ouais. Alors il y a le mail. Le mail aussi. Il y a le mail jmmoog.bâtard@gmail.com. C'est ça. Et mon numéro c'est le 06 17 87 54 91. Ok. Et si tu veux donner. Et celui de Jean-Michel. Pas par cœur. 06 61 21 04 99 pour un petit set sympa de musique électronique avec une batterie acoustique. Ça, on apprécie ce genre de trait d'esprit. Merci Solal d'avoir participé. Mais à merci à toi beaucoup pour l'invitation. Avec plaisir. Et on te souhaite le meilleur pour la suite dans la musique. On espère vous voir bientôt. Et bah ouais, okay. merci pour tout. C'était Couleur de Cal sur Fadjet au 94.2 à Nancy, sur Fadjet.net et en DA+, Pierre au micro. Comme toujours, on se retrouve le week-end prochain pour un nouveau Couleur de Cal sur Fadjet. Ciao, ciao.